Une chanson accrochée à nos souvenirs. Il y a toujours une raison qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Jour de pluie, mariage heureux, c'est ce que le dicton dit, je crois, ou peut-être que je viens d'inventer ce dicton, mais il me semble avoir déjà entendu lorsqu'on se marie et qu'il pleut, ça veut dire que c'est signe d'une longue, longue relation. Alors, est-ce que c'est signe de nouveau 50 ans pour CKRL dans ce cadre du Radioton? Moi, je pense que oui. Jason Duval avec vous jusqu'à 10h aujourd'hui, ce matin, pour un souvenir franco très spécial dans la première partie. On va écouter les numéros 1 de l'année 1973, puisque CKRL 89.1 vient d'ouvrir en 1973. Et aujourd'hui, on va écouter beaucoup de numéros 1 de cette année-là. Et à 9h30, tenez-vous bien, Daniel Lavoie sera avec nous en entrevue pour parler de son spectacle de cet après-midi et de ce soir à Québec à la salle Albert Rousseau. Il reste quelques billets pour la représentation de cet après-midi. Alors, dépêchez-vous. Et avant de commencer en musique, il faut quand même que je dise un beau bonjour à Kathleen qui est venue me voir juste avant l'émission de ce matin. Alors bonjour à toi Kathleen, merci beaucoup. C'était très très gentil de venir me dire un petit coucou. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci à vous d'écouter CKRL 89.1. Merci à vous tous. Le Radioton bat son plein depuis vendredi. C'est une programmation très spéciale qui est à la station. Et on part cette heure de souvenirs franco très très spéciale. On remonte 50 ans en arrière avec Michel Richard et Yves Martin qui étaient numéro 1 avec leur succès Baby Love. Et tout de suite après, Sébastien s'en vient avec La fille que je veux. Se laisser faire. L'un des enfants vedettes des années 70, Sébastien, qui nous chantait « La fille que je veux », c'est son plus grand succès, numéro 1 en 1973, 2 semaines au top du palmarès, mais 21 semaines au palmarès québécois. C'est son plus grand succès en carrière. Il a eu seulement un 33 tours. C'est malheureux, j'aurais bien aimé le voir dans les années 80, une fois qu'il serait devenu adulte. Je pense qu'il aurait fait beaucoup, beaucoup de succès. Et juste avant, c'était Michel Richard et Yves Martin, le producteur de musique, pour ouvrir cette édition spéciale de Souvenirs Franco 1973 dans le cadre du Radioton. Michel Richard et Yves Martin nous chantaient Baby Love. C'est l'un des plus gros succès de l'année 1973. Ils ont été au sommet du palmarès et dans le palmarès pendant des mois et des mois. Et là, le chanteur qui s'en vient, on va continuer dans les grands succès. Le chanteur qui s'en vient, c'est Michel Stax, qui a connu beaucoup de succès. On se souvient de son album, justement sorti en 73, où il y avait que des succès. Des chansons qui se sont retrouvées au palmarès, même numéro 1. On se rappelle de sa reprise de Milord, entre autres, mais surtout Ma Lily, qui s'est retrouvée au sommet pendant plus de 15 semaines en 1973. Et c'est justement la chanson qui s'en vient à Souvenir Franco à CKRL 89.1, tout de suite après Le Soleil de Suzanne Stevens et l'un des plus gros succès de Mac Brandt au Québec. Rien qu'un instant que je danse avec vous. Oh, nous serions les plus beaux amoureux du monde. Et c'est certain qu'autour de nous, nous ferions bien des jaloux. Oh Lily, dites-moi oui. La lumière sont tamisées. L'orchestre joue une chanson d'amour. Oh, je serais malheureux si vous refusiez. C'est la chance de ma vie. Je vous appelle à mon secours. Oh Lily, dites-moi oui. Demain, il sera trop tard. Je serais déjà parti si loin de vous. Alors ce soir, pendant que l'orchestre joue, laissez-moi poser ma main sur votre cou. Ma Lily, déjà parti si loin de vous. Alors ce soir, pendant que l'orchestre joue, laissez-moi poser ma main sur votre cou. Sans soleil, le soleil le soleil est revenu ce soir. Combien je t'aime, je t'aime, je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Rien qu'une larme dans tes yeux, je L'un des chanteurs les plus populaires du début des années 70, Mike Brandt, qui nous chantait « Rien qu'une larme », c'est l'un des nombreux succès de Mike Brandt. Il a eu à peu près une bonne vingtaine de succès, de grands, de petits succès, mais sa carrière, elle est dorée et elle est très très courte malheureusement, puisque Mike Brandt est décédé d'une façon mystérieuse et tragique à même pas 30 ans. Imaginez le succès, les disques d'or qu'il aurait eu s'il avait vécu plus longtemps. Juste avant, c'était Suzanne Stevens avec Le Soleil, également numéro 1. C'était que des numéros 1. Suzanne Stevens qui, elle, est complètement disparue de la sphère médiatique et artistique après 1979. Et elle aussi, immense vedette des années 70. Et on a commencé ce bloc musical avec nul autre que Michel Stax et Oh Ma Lily, l'un des plus gros succès de l'année 73. C'était trois chansons de 1973, trois numéro 1 de cette année où la station a ouvert ses portes. Ça fait 50 ans. Et c'est loin d'être fini puisque le Radioton de CKRL 89.1 continue jusqu'à ce soir avec une programmation de feu. Si vous voulez toutes les infos concernant le Radioton, la programmation, les émissions qui s'en viennent, c'est sur le site CKRL 89.1 Québec. Et restez à la station parce que à 9h30, Daniel Lavoie est avec nous. On parle de sa carrière, de l'album Tension, Attention, qui fête ses 40 ans cette année. Mais surtout, on parle de son spectacle de cet après-midi et ce soir à la salle Albert Rousseau. Il reste que quelques billets. Si vous voulez aller voir Daniel Lavoie, c'est maintenant ou jamais. Et en attendant, bien écoutez, on va écouter Emmanuel avec l'un de ses plus gros succès et c'est pas fini. Restez à CKRL 89.1 parce que Souvenir Franco spécial 73 et Daniel Lavoie continue jusqu'à 10h. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu monter vers le ciel. Car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis, sans même trembler, que j'arrive à te ressembler. Je suis toi, et toi tu es moi. Et nous sommes le monde, et nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Dans le monde. CKRL 89.1, 50 ans de radio communautaire. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la boîte à pain est la boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner et écouter la radio. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Écoute-moi!

Et juste avant le retour de Souvenirs Franco, Loulie tenait absolument à nous parler de sa soirée d'hier. Alors hier, nous sommes allés souper au Niki Sushi. C'est vrai, c'était bien. Oui, et puis... Qu'est-ce que t'as pris ? Des sushis. Évidemment. Alors l'originalité de Niki Sushi, au-delà d'avoir des sushis extrêmement travaillés, tendance gastro, c'est aussi, bien sûr, la rivière à sushis. Et quoi de mieux que de laisser le micro à ceux qui font cette rivière à sushis. Justement, hier, on a posé la question à Henrik, qui travaille à Niki Sushi, puis on lui a demandé, en quelques mots, comment résumer le concept de la rivière à sushis. La rivière à sushis, c'est un système en libre-service, avec création du chef, valeur à l'assiette, formule tapas. Simple et efficace, on prend ce qu'on veut, on garde la pile, à la fin, on compte selon le code de couleur relié au prix. Puis on a un chef qui peut nous faire des expériences vraiment mémorables. Effectivement, mémorables, on a extrêmement bien mangé, puis extrêmement bien dormi aussi. Et donc, c'est un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ qui est offert dans le lot 83 ainsi que le lot 84. Donc, deux lots pour miser sur le certificat cadeau de 150 $ chez Niki Sushi. Excellent. Bon, à savoir. On termine cette intervention avec, là aussi toujours dans l'aspect gustatif, la conserverie du quartier qui nous offre, mais alors un panier garni, bien, bien garni. Oui, en effet, ils ont 25 spécialités avec de la confiture, des gelées, des beurres, ainsi que des confits, des moutardes, ainsi de suite. La gelée de poire m'intrigue beaucoup. C'est vrai, la moutarde un petit peu moins à cette heure-ci pour le moment, mais je suis sûr que quand t'arrives lors du dîner du souper, c'est beaucoup plus attrayant. Le nom numéro 38, on va rappeler une nouvelle fois les façons de miser sur l'encamp, bien sûr on l'a dit, hein, ckrl.qc.ca. Excellent, ou alors le numéro de téléphone pour nous appeler directement, le 418-640-2575, c'est Dany qui vous répond encore un matin. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet et pourquoi pas nous passer un petit coup de fil, ça fait toujours plaisir. Bon avant-midi avec CKRL et Jason Duval qui est de retour dans deux minutes. Bonjour, bonjour. Vous écoutez la voix de Widmer Normé. Je suis présentement dans la fin de semaine du Radioton, de cette magnifique radio de CKRL. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, faites-moi pas pleurer. Soyez généreux. On a besoin de votre support. Et si vous êtes pas capable de venir ici parce que je sais pas pour quelle raison, vous faites vos commissions, vous promenez votre chien, ben écoutez, parce qu'il fait pas beau, il fait frais, je ne sais pas. Mais au moins, appelez et donnez généreusement. Merci, Widmer Normé. Fardoche, qui est un fermier, qui sème, mais qui récolte. Alors, ici, on attend de récolter vos dons. Merci, soyez généreux. Envie de jamais vu, de jamais entendu? Explorez Le Salon, la nouvelle plateforme de diffusion en art littéraire de la Maison de la littérature et de ses partenaires. Balado, vidéo et autres douceurs pour faire le plein quand vous le voulez, où vous le voulez. Des contenus d'ici, gratuits, qui nourrissent l'esprit. Passez au salon. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des heures de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Chaque et Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Vous êtes un artiste ou une artiste de la relève de Québec ou de Wendake? Première Ovation peut vous soutenir en vous donnant les moyens de créer et de vivre vos premières expériences professionnelles. Plusieurs programmes d'aide sont offerts dans 13 disciplines artistiques. Art littéraire, art multi, art numérique, art visuel, médiatique et métier d'art, cinéma, cirque, danse, design, musique, patrimoine et théâtre. Tous les détails au premièreovation.com. Il y a toujours une chanson accrochée à nos souvenirs. Il y a toujours une raison qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. CKRL 89.1 avec vous jusqu'à 10h. C'est Jason Duval pour un souvenir franco très spécial parce que dans quelques minutes, on s'entretient avec Daniel Lavoie sur ses spectacles aujourd'hui à Québec à la salle Albert Rousseau. C'est à 16h et 20h. Il reste que quelques billets seulement de disponibles. Alors dépêchez-vous. Et sinon, le Radioton bat son plein jusqu'à ce soir. C'est le moment de l'année pour donner à CKRL 89.1 et en plus vous avez une programmation de feu depuis vendredi, c'est fabuleux. Et là, juste avant de parler avec Daniel Lavoie, l'un de ses plus gros succès, son plus gros succès, une chanson reconnue internationalement, Il s'aime. On est en 1983 avec cette immense chanson et tout de suite après, Daniel Lavoie est avec nous. Il s'aime comme avant. Avant les menaces et les grands tournants, ils s'aiment tout hésitant, découvrant l'amour, découvrant le temps. Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Enfants, amour plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe. Les catastrophes de la menace qui gronde, enfant du cynisme, armé jusqu'au dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments, et si tout doit sauter. Spectacle ce soir à la salle Albert Rousseau, mais aussi cet après-midi à 16h et à 20h en soirée. Il reste que quelques billets seulement de disponibles. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Daniel Lavoie. Bonjour. C'est un premier spectacle pour vous en 6 ans. Ça fait quand même longtemps qu'on vous a vu sur scène à Québec. Vous fêtez vos 40 ans de carrière. Quand vous pensez à tout ça, plus de 40 ans de carrière même, quand vous repensez à votre vie, à votre carrière, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en premier? D'abord, je vais vous corriger sur 2 choses. Je fais 40 ans de tension en tension, mais 54 années de carrière. Et j'étais sur scène à Québec avec Notre-Dame de Paris l'année passée. Et c'est la première fois depuis 6 ans que je remonte sur scène à mon nom. Et donc, j'avais pas vraiment envie de revenir sur scène à mon nom. J'avais décidé que mes longs voyages, c'était un peu mon dernier album, ma dernière tournée. Puis après ça, je me suis dit, je commençais à faire du vieillisme, à me considérer vieux alors que je me sens encore très en forme. Et je sens que mon matériel, les chansons que j'ai faites ont un petit peu, comme on dit, percolé dans l'inconscient collectif et qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont envie d'entendre ces chansons-là. Donc, Martin Leclerc a réussi à me convaincre que ce serait une bonne idée. Et je ne regrette pas parce que depuis le début de la tournée, je ne rencontre que des publics, enthousiaste serait le petit mot parce que je suis vraiment bouleversé par la réception. Oui, là, vous l'avez dit, c'est un spectacle un peu cadeau que vous faites à votre public, mais aussi à vous, parce que vous avez choisi les chansons qui se retrouvent dans ce spectacle-là. Mais comment, justement, on prend les albums de Tension à Tension et on va choisir quelques autres chansons? Comment on fait un tri à travers tout ça? Je vous dirais que le tri se fait un petit peu par lui-même. Je me fie d'abord aux chansons que les gens ont aimées. Elles l'ont manifesté continuellement à travers les divers spectacles que j'ai fait. J'ai bien vu quelles chansons touchaient les gens le plus parce que les gens réagissent dans un spectacle. Et en général, ce qui n'est pas étrange, c'est que ce sont les mêmes chansons que moi je préfère. J'ai choisi les chansons que les gens préfèrent et qui sont en général les chansons que je préfère. Si les gens viennent entendre le spectacle Tension à Tension, ils n'entendront pas toutes les chansons de ce disque parce que il y a comme beaucoup de disques, beaucoup de chansons oubliables sur ce disque, comme beaucoup de chansons qu'on fait. Il y a énormément de chansons qui passent dans le beurre et qui disparaissent, qu'on ne chante plus jamais. Et miraculeusement, il y en a quelques-unes qui atteignent la cible, c'est-à-dire le cœur des gens, l'amour, l'émotion. Ce sont celles-là que je garde et dont je suis vraiment très, très reconnaissant d'en avoir quand même pas mal. Je suis un homme chanceux, mais j'essaie de vous le rendre. Ben, très chanceux. Et là, vous avez parlé de Tension à Tension. C'est les 40 ans de cet album qui, pour vous, ça a déclenché complètement une folie autour de vous, là. Parce qu'il y a eu quand même 5 chansons de l'album au palmarès, dont le méga succès Il s'aime, numéro 1 au Québec pendant 14 semaines, 2 millions de ventes partout à travers le monde. Et pour ajouter à tout ça, élu en 99 par les Français chanson du siècle. C'est quand même assez extraordinaire, là, ces statistiques, si on peut dire ça comme ça. Ben, assez surprenant, surtout, parce que quand on fait une chanson, on ne s'attend vraiment pas à ce qu'elle fasse ça. Je ne vous cacherai pas qu'on espère que la chanson... Je ne parle pas des honneurs et de tout ce qui peut venir avec une chanson, parce que les honneurs, c'est souvent un peu fastidieux, mais... Le grand bonheur de savoir qu'une chanson qu'on a créée dans son intimité va toucher les cœurs et faire du bien et réconforter des gens un petit peu partout dans le monde, ça, c'est un miracle pour moi. Il n'y a rien de plus touchant pour moi comme artiste que cela et je suis vraiment, vraiment reconnaissant d'avoir pu connaître ça avec ce disque, avec spécialement cette chanson-là. Mais « Il s'aime », c'est aussi une chanson que plusieurs autres ont chantée à travers le monde. Elle a été traduite en plusieurs langues. Pour un auteur-compositeur comme vous, Daniel Lavoie, qu'est-ce que ça fait de voir sa chanson interprétée en espagnol, en italien, en anglais, en néerlandais et dans des versions parfois complètement hors du commun, hors de l'original? Oui, et même en russe. Version plutôt belle, d'ailleurs. Écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça peut faire autre? je vous dirais que je fais pas ça pour ça. Je ne le fais pas pour que ce soit chanté par les autres. Je le fais parce que j'aime faire des chansons, que j'aime essayer de faire quelque chose qui puisse apporter du bien-être aux gens. Parce que pour moi, c'est la musique qui m'a toujours fait ça. Moi, j'écoute la musique parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle me réconforte, parce qu'elle m'apporte du bonheur, et j'essaie de le rendre en le faisant de mon côté. Et c'est un peu à ce niveau-là, parce que c'est certain que toute la gloire, c'est bon, parce que ça m'aide à convaincre les gens de venir me voir en spectacle quand je fais des tournées, mais c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Mais vous l'avez dit, ça fait la musique, ça rend joyeux et tout. Mais cette chanson-là, ça fait 40 ans que vous la chantez. Est-ce que vous l'interprétez encore pareil ou il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous quand vous la changez? Parce que la vie a évolué quand même. La vie a évolué, oui, mais pas tant que ça. Et la situation politique mondiale n'a pas changé tant que ça. C'est une chanson sur la guerre. C'est une chanson qui parle de notre humanité dans la guerre, et je me vois confronté encore cette année à une guerre terrible où je me sens personnellement impliqué, touché, parce que c'est deux peuples que j'aime beaucoup, autant la Russie que l'Ukraine, et de les voir se détruire comme ça me bouleverse immensément. J'ai même la misère à en parler, vous voyez, et cette chanson-là, à chaque soir, quand je la fais, je pense à ça et je crois que ça donne une force à la chanson qu'elle n'a pas eue depuis quelque temps. Oui, c'est ce qui est beau avec les chansons intemporelles comme « Il s'aime », perdurent dans le temps et elles prennent une dimension différente. Hein? Elles prennent une différence, oui, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, j'essaierai de vous l'expliquer, je ne saurais pas dire. J'ai jamais même compris pourquoi cette chanson-là a eu autant de succès, parce que quand j'ai fait la chanson, je ne pensais pas que c'était une chanson qui pourrait marcher. Il n'y avait pas un gros refrain, il n'y avait pas des je t'aime partout, c'était vraiment pas une chanson à succès, et pourtant, les gens l'entendaient et il y avait une réaction immédiate. Et c'est ça le miracle des chansons, c'est qu'on ne sait pas. Et quand on fait des chansons, on ne peut pas deviner qu'une chanson va marcher ou qu'elle aura un succès. C'est impossible. Et ça arrive. Et quand ça arrive, c'est extraordinaire. La semaine dernière, quand j'ai annoncé que je vous aurais en entrevue pour le Radioton, on me téléphonait. Est-ce qu'il va faire des chansons de Notre-Dame de Paris dans son nouveau spectacle? J'ai dit, écoutez, je vais lui demander. Alors, je vous le demande, parce que c'est quand même un rôle marquant dans votre carrière, le rôle de Frollo. Je fais une version LGBTQ de Belle dans mon spectacle. Parce que je la chante pas avec deux garçons, je la chante avec deux femmes. J'ai deux choristes qui sont en tournée avec moi, qui chantent merveilleusement bien. Et j'ai fait le défi d'avoir un homme et deux femmes qui chantent une histoire d'amour à une femme. Ça marche. C'est extra. Les gens ont fait un pas en avant on a beau dire ce qu'on voudra sur l'évolution de la pensée des gens, mais l'ouverture que je rencontre, je pense que j'ai eu une ovation debout à la fin de Belle à chaque fois que je l'ai fait avec deux femmes. Donc c'est assez extraordinaire, mais je crois aussi que c'est très émouvant, d'abord parce que les deux chanteuses le font merveilleusement bien, chantent très très bien, et à trois on fait un trio d'enfer. Donc, oui, je chante au moins une chanson de Notre-Dame de Paris dans mon spectacle. Et ça promet, parce que de la façon que vous en parlez, ça a l'air extraordinaire. Et on va mentionner le nom des deux choristes. Vous me corrigez si je me trompe. Karine Pion et Émilie Pompa. Émilie Pompa. Pompa. Elle me corrige à chaque fois, Pompa, parce qu'elle est italienne. Et là, j'ai dit, non, c'est pas pompa. Elle me dit, non, ben, n'est pas pompa. Pompa. OK, Émilie. Donc, on peut s'attendre à au moins une chanson de Notre-Dame de Paris. Et quand même, faut le mentionner, parce que peu d'artistes peuvent se vanter de ça. Vous avez revêtu le costume de Frollo plus de 1200 fois. C'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, puis je vais me rendre à 5500 parce que je reprends mon rôle à New York. On revient à New York encore cette année pour 3 semaines. Après, je reviens à Montréal et puis on fait ensuite quasiment 3 mois au Palais des Congrès de Paris pour le 25e anniversaire de Notre-Dame de Paris. J'ai l'impression que je vais encore le faire, mais je peux vous dire que sans mentir que j'ai un plaisir fou à chaque fois que j'embarque dans mon rôle. J'adore ce personnage complexe, torturé, qui est en questionnement total, qui est prêt à mourir pour son amour, qui m'a toujours beaucoup touché, parce que je le vois comme, j'ai toujours vu comme un homme qui n'a jamais connu l'amour, qui n'a jamais eu un coup de foudre, et tout d'un coup, il est obligé de vivre avec cette chose qui lui arrive sur la tête, il ne sait pas comment. Et c'est vraiment un plaisir de jouer ce rôle à chaque fois. Inépuisable Daniel Lavoie, passant par New York, Québec et Paris pour jouer Notre-Dame de Paris. Inépuisable, oui, et en plus, vous venez de sortir un nouvel album qu'on peut entendre des extraits dans votre nouveau spectacle, si je ne me trompe pas. Oui, ben, je chante à la fin un extrait du nouvel album. J'ai pensé que, par respect pour moi-même, que je devais au moins le présenter. J'avais fait une série de chansons pour le plaisir, comme un exercice de style. Dans le style un peu de Jimmy Rogers, un chanteur country folk des années 20. Ça ressemble pas vraiment du Jimmy Rogers à la fin, mais c'est vraiment très folk. Et puis, ça a été arrangé avec des cuivres par André Lambert, mon vieux confrère musicien qui vient de Québec. Je trouve qu'on a fait quand même quelque chose de pas mal, intéressant, original. Les gens aiment beaucoup. C'est un disque joyeux. Un disque joyeux sur la mort parce que ça a été fait pendant COVID. Et donc, ça se veut ensoleillé et amusant et inconfortant aussi. Et on va mentionner le nom de l'album, Scrub Oak, The Dog and the Moon, le tout nouveau disque de Daniel Lavoie qui sera en spectacle cet après-midi, 16h, et ce soir, 20h, à Québec. Deux spectacles dans la même journée, ça doit changer votre routine un peu, ça, quand même. Oh, j'ai fait ça souvent avec Notre-Dame de Paris. Hein. J'aime beaucoup ça, faire deux spectacles le jour. J'aime le premier qui est un petit peu déstabilisant, puis celui du soir, quand on est bien réchauffé, qu'on a même pas besoin de penser à ce qu'on fait, tout est automatique. Donc, non, j'aime ça. Je ne voudrais pas faire ça tous les jours, mais de temps à autre, deux spectacles dans une journée, c'est vraiment très, très stimulant. Daniel Lavoie, vous êtes en tournée partout à travers le Québec jusqu'au 29 septembre. Tous les détails sur votre site web daniellavoie.com. Merci infiniment d'avoir passé au Radioton de CKRL. Hey, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Allez, bonne journée. Le Radioton de CKRL 89.1 continue jusqu'à ce soir. Restez à l'écoute pour savoir combien nous avons amassé durant ce Radioton. Programmation habituelle du Radioton continue. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à vendredi prochain, 14h, pour une nouvelle édition de Souvenirs Franco. Bon Radioton! CKRL 89.1, 50 ans de radio.